Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'un des faits divers français les plus célèbres est peut-être l'erreur judiciaire du XXe siècle, l'affaire Seznec. En 1923, Pierre Kemner, un négociant en bois, disparaît. Guillaume Seznec, le dernier à l'avoir vu, devient rapidement le coupable idéal. Et aux yeux de la justice, il l'est toujours aujourd'hui. Pas forcément idéal, mais coupable encore, malgré 14 demandes de révision du procès, toutes rejetées. Un véritable roman à suspense qui déchaîne les passions depuis près de 100 ans, des côtes sauvages bretonnes jusqu'au bureau des enquêteurs parisiens. Une affaire où le vrai et le faux, le plausible et la légende nourrissent des théories en tout genre. Retour donc sur l'affaire Seznec, un fait divers breton au goût de sel et de sang, où la seule vérité vraie semble être celle du doute. Notre invité, la journaliste Anne-Sophie Martin, auteure du livre « Affaire Seznec, le grand secret », publié en 2019 aux éditions du Seuil. Affaire Sensible, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA et Retro News, le site des archives de presse de la BNF. Préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaire Sensible, sur France Inter. Le 25 mai 1923, tôt le matin. À Rennes, deux hommes prennent la route pour Paris à bord d'une Galiac décapotable fatiguée. Deux associés, deux camarades qui sont loin de se douter que leurs noms marqueront à jamais l'histoire de la justice française. Celui qui conduit la Cadillac, c'est Guillaume Seznec. 45 ans, père de quatre enfants, il est propriétaire d'une scierie près de Morlaix dans le Finistère. Fils de fermier, réformé de la Première Guerre, il a le sens des affaires, même si de lourdes dettes freinent son ascension. Comme son compagnon de route, Pierre Kemner, 45 ans, lui aussi né dans une ferme, Seznec souhaite sortir de son milieu d'origine. Et en cela, Kemner est un modèle. Notable du Finistère, il a fait fortune pendant la guerre en vendant des poteaux de bois pour les tranchées, avant de devenir propriétaire de plusieurs demeures et conseiller régional dans son canton natal. Les deux hommes, pourtant très différents, le premier mystérieux, réservé, le second plus avenant et éloquent, s'entendent bien. Et puis, ils font affaire. Deux mystérieuses affaires, dont la famille de Kemner ne sait pas grand-chose. Si ce n'est que le conseiller régional doit se rendre à Paris avec Guillaume Seznec en cette fin de mai 1923. Le 28, quatre jours après son départ, Pierre Kemner est censé rentrer à Landerneau, où il vit avec sa sœur dans une grande villa avec tourelle, tapis derrière un mur de pierre. Mais le conseiller régional s'est volatilisé. Jenny, sa sœur, inquiète de ne pas avoir de nouvelles, finit par contacter Guillaume Seznec, le 4 juin. Le maître de scierie est chez lui à Morlaix. Il explique avoir finalement laissé son compagnon à la gare de Dreux, en direction de Paris. La Cadillac en panne n'aurait pas pu supporter le trajet, dit-il. Donc, il a préféré rentrer et laisser Pierre Kemner se rendre seul à son rendez-vous parisien. Six jours plus tard, le frère et le beau-frère de Kemner, accompagnés de Guillaume Seznec, signalent la disparition du conseiller régional à la 13e brigade de police mobile de Rennes. La presse régionale s'empare de cette étrange disparition. Le Nouvelliste de Bretagne, l'étrange disparition de Pierre Kemener, conseiller général du Finistère. La disparition de M. Pierre Kemener, conseiller régional du canton de Sizun, que nous avons signalé dans la plupart de nos éditions d'hier, cause dans toute la région une émotion considérable. A-t-il été victime d'un accident ou d'un crime, ou bien pour un motif que l'on ne peut pas encore expliquer, ne donne-t-il pas volontairement de ses nouvelles à sa famille? M. Pouliken croit plus à un crime qu'une fugue. Mon beau-frère, âgé de 45 ans, vivait avec ses sœurs. Jamais elle n'avait voulu se marier. C'était un homme difficilement influençable et incapable d'un coup de tête dont je ne vois pas la raison. Le 13 juin 1923, trois jours après le signalement de la disparition de Pierre Kemner, un télégramme signé de son nom est envoyé du Havre. Ne rentrerait Landerneau que dans quelques jours. Tout va pour le mieux, Kemner. La famille du conseiller régional rassuré demande l'arrêt de l'instruction avant de se raviser. Parce que Kemner n'aurait jamais disparu ainsi pendant plus de 15 jours. Non, non, ça ne colle pas. Et puis, la signature est louche. Le 22 juin, une instruction pour disparition suspecte est ouverte. La valise de Kemner a été retrouvée à la gare du Havre, ainsi que la promesse de vente de l'une de ses propriétés. Située à Traounay, sur la commune de Plourivaux, près de Paimpol, elle est vendue à un prix étonnamment bas. 35 000 francs à l'époque, pour un bien estimé à plus de 150 000, soit le triple. Le bénéficiaire, Guillaume Seznec, qui est aussi la dernière personne à avoir vu Kemner vivant. L'affaire Kemner va donc très vite devenir l'affaire Seznec. Le 28 juin 1923, Guillaume Seznec est convoqué à Paris en tant que témoin par la Sûreté Générale en charge de l'affaire aux côtés de la 13e Brigade de Rennes. Au commissaire Vidal, Seznec s'explique. Les 35 000 francs de la promesse de vente ont été complétés en sous-main et sans témoin par 4 000 dollars or, ce qui porte le montant total à près de 95 000 francs. Selon Seznec, si Kemner lui a vendu la demeure à prix réduit, en hâte, c'est parce qu'il aurait besoin de liquidité pour l'affaire qu'il appelait à Paris. Kemner, raconte Seznec, devait y retrouver un certain Chardy, un Américain de sa connaissance, afin de lui vendre des Cadillacs issus d'un stock de l'armée américaine à destination de l'URSS. Mais pour les enquêteurs qui ne trouvent trace de ce mystérieux Américain, ni Chardy, ni le trafic de Cadillacs n'existent. Ça veut dire que Seznec affabule. Le 29 juin, au lendemain des premières dépositions de Guillaume Seznec en tant que témoin, le commissaire Vidal et son équipe l'emmènent reconstituer les faits à Dreux, la ville où il aurait laissé Kemner prendre un train pour Paris. Et là, surprise. Petit journal, article du 30 juin 1923. Monsieur Seznec, qui avait déclaré avoir dîné à Dreux en compagnie de Monsieur Kemener et avoir accompagné à la gare Monsieur Kemener, parti dans la direction de Paris, a été dans l'obligation de reconnaître qu'il commettait une erreur. C'est à Oudan, à l'hôtel du Plat d'Étain, qu'avec son compagnon de voyage, il a dîné. Là, en présence des témoins et de la police, M. Seznec a encore affirmé qu'il avait conduit M. Kemener à la gare où il avait pris un train pour Paris. Or, c'est seulement pour 22 heures que les deux voyageurs quittaient l'hôtel du Plat d'Étain. Le dernier train pour Paris passe à Oudan à 20h17. Le chef de gare de Oudan est formel. Personne n'est descendu de la Cadillac pour prendre un train, puisqu'il n'y avait plus de train. Autre ville, autre témoignage. À 15 km de Oudan, un habitant de la Queue les Yvelines, aux abords de la forêt de Rambouillet, affirme avoir vendu de l'essence à Seznec au petit matin et qu'il était seul dans la Cadillac et que l'un des bidons qu'il lui donna à remplir était taché de sang. Pour la police, tout fait sens. Seznec a tué Kemner entre Oudan et la Queue les Yvelines, peut-être avec le cric de la Cadillac qui a justement disparu. La piste parisienne, celle de l'Américain Chardy et du business de voiture avec l'URSS est mise de côté. Le 30 juin, Seznec est arrêté. Il nie toute accusation. Mais la presse, tant bretonne que nationale, en fait immédiatement son coupable. Et tant pis pour la présomption d'innocence d'ailleurs. Écrivent les journalistes, les enquêtes de voisinage le montrent. Seznec est un homme rusé, avide d'argent, endetté, soupçonné un temps d'escroquerie à l'assurance et de vol de voiture. Un bon à rien, en quelque sorte. Et donc peut-être un assassin, estime son beau-père, Monsieur Marc. Le Petit Journal, article du 1er juillet 1923. Kemener fut victime d'un guet-apens. Il est capable d'avoir fait le coup. Il est des gens que rien n'arrête lorsqu'ils veulent s'emparer d'une auto ou d'une somme d'argent qui ne leur appartient pas. S'ils trouvent sur leur route un obstacle, ils le suppriment. Seznec est un bon à rien, incapable de s'attacher à une besogne quelle qu'elle soit. Il a acheté une propriété, un commerce, une usine, puis une lubie lui passe. Il plante tout là et s'en va ailleurs, c'est ainsi qu'il m'a ruiné. Le 2 juillet 1923, deux jours après l'arrestation de Guillaume Seznec, un commerçant du Havre le reconnaît dans le journal. Avec deux de ses employés, il atteste que Seznec, sous un nom d'emprunt, a fait l'acquisition d'une machine à écrire Royal 10 d'occasion le 13 juin 1923, en date du faux télégramme de Kemner envoyé du Havre, justement. « Impossible, dit Seznec, il était à Saint-Brieuc, à l'hôtel. » Oui, Mais aucun établissement de la ville ne porte son nom dans ses registres. Et deux voyageurs d'un train Paris-Le Havre le reconnaissent grâce à ses cicatrices au visage. Car Sesnec a le visage brûlé depuis l'incendie de sa blanchisserie en 1908. Sesnec nie, se contredit, quand un nouvel élément vient alourdir les suspicions qui pèsent sur lui. Le Petit Journal, article du 7 juillet 1923. La machine à écrire Royal Type 10, immatriculée X434-080, achetée par Sesnec à M. Chenoir au Havre, vient d'être retrouvée chez Sesnec même, dans les locaux de la scierie de Morlaix. C'est au cours d'une nouvelle perquisition faite par la brigade mobile de Rennes que la machine a été retrouvée enveloppée de divers papiers et cachée dans une cheminée aménagée dans un grenier qui avait servi de chambre à coucher à un chauffeur renvoyé depuis un an. La perquisition est illégale, car sans témoin, vous ne l'avez pas trouvée chez moi, proteste Marie-Jeanne, la femme de Sesnec. Manigance, machination, affirme son mari. Mais le commerçant du Havre, qui dit avoir vendu une machine à écrire à Sesnec le 13 juin, la reconnaît, cette machine. Certaines lettres sont défectueuses. C'est celle que Sesnec a choisie, c'est sûr. Les experts apportent alors des éléments complémentaires. La promesse de vente de la propriété de Kemner à Plourivaux en faveur de Sesnec a été tapée avec cette machine. Et c'est aussi Sesnec qui aurait écrit le télégramme signé Kemner, envoyé du Havre, le 13 juin. De la falsification de documents à l'assassinat, il n'y a qu'un pas. Et il est franchi dès le lendemain par la police, le 7 juillet 1923. Ce jour-là, Guillaume Sesnec est inculpé pour meurtre avec préméditation et faux en écriture privée. Sesnec est alors transféré de Paris jusqu'à la prison de Crèche-Joly à Morlaix. Après une tentative d'évasion, il tente de corrompre des témoins par le biais de sa femme et de faire sortir des documents visant à prouver qu'il n'était pas au Havre le 13 juin. Une ultime tentative désespérée de prouver son innocence alors que l'étau de la justice se resserre. C'est du moins ce que pensent son avocat et certains observateurs, car de nouveaux éléments apparaissent. L'Ouest éclair, 22 janvier 1924. La Sûreté a reçu la déposition de M. Leher, contrôleur des tramways à Paris, qui déclare avoir vu M. Kemener, le conseiller général disparu si mystérieusement le 26 mai dans la soirée, et lui avoir parlé dans son tramway même. Au début de l'affaire Sesnec, il était allé à la Sûreté rapporter cette entrevue fortuite avec son passager, mais en raison du caractère un peu vague de sa déposition, il n'en avait pas été dressé de procès-verbal. Cette nouvelle déclaration ne laisse pas d'apporter un élément inattendu dans l'instruction d'une affaire qui apparaissait comme close. Et si Pierre Kemner n'était pas mort dans la nuit du 25 au 26 mai 1923? Et si, comme le dit Guillaume Sesnec, il s'était bel et bien rendu à Paris? C'est la piste lancée par François Leher, le contrôleur de tramway parisien. Mais son témoignage gêne l'instruction. D'abord, Leher est un témoin dont la sincérité habituelle n'est pas au-dessus de tout reproche, estime le procureur. Jugé pour viol, l'homme est réputé malhonnête, menteur. C'est son entourage qui l'affirme. D'autre part, pour les enquêteurs, Kemner est mort entre Houdan et la queue les Yvelines. Un point, c'est tout. Certes, des éléments troublants apparaissent. Des témoins se rétractent. Ils ne sont plus sûrs de reconnaître Sesnec. Mais rien. Non, rien qui ne suffise à faire dévier l'enquête de la trajectoire établie dès le mois de juillet 1923. Pour Maître Kahn, l'avocat de Sesnec, je le cite, il apparaît à chaque page combien peuvent être trompeuses les combinaisons du hasard, surtout lorsqu'elles sont guidées par un parti déjà pris dans le sens unique d'une accusation qu'on veut démontrer. Après 8 mois d'enquête, on recense 507 notices d'instruction, 2 équipes d'enquêteurs, une à Paris, une à Rennes, 154 témoins auditionnés, Houdan, Dreux, Morlaix, Le Havre, Paris, Ratissé. C'est après tout cela que le procès de Guillaume Sesnec se tient à Quimper à partir du 24 octobre 1924. Dans les rues, sur le passage de la voiture qui conduit l'accusé au tribunal, la foule, venue en nombre pour le voir en vrai, est hostile, agressive. Avec sa réputation de trafiquant malhonnête et son fort accent paysan, Sesnec ne bénéficie ni de la sympathie du public, ni celle de la presse, encore moins celle du tribunal. Tout au long du procès, il ne cesse de clamer son innocence. Mais il est tantôt maladroit, tantôt approximatif, tantôt mutique. et il refuse même d'admettre des faits avérés. Tout au long des 8 jours d'audience, il s'enfonce. Le 4 novembre 1924, dans un très sévère réquisitoire de 4h30, Maître Guillot, l'avocat général, récapitule. La Cadillac vue à Oudan, le faux télégramme du Havre, la fausse promesse de vente, les témoins du train, ceux du Havre, la machine à écrire, et il s'adresse ainsi aux 12 jurés, au dernier jour du procès. Messieurs, vous avez prêté au début de ces audiences un admirable serment. Ce serment, je le répète. Et c'est pour cela que mon âme et conscience, devant Dieu et devant les hommes, je vous demande la condamnation de Seznec. Si vous en avez la conviction intime, pas de faiblesse. Vous devez être de ces hommes qui savent prendre un parti et vous y tenir. Vous avez sacrifié votre temps, vos intérêts, pour faire triompher votre idée de la justice. Vous ne donnerez pas l'impunité à ce traître à l'amitié, à ce félon qui a violé la loi morale, qui a commis des crimes abominables. Vous condamnerez cet homme par une peine qui soit à la taille de son crime. Le 4 novembre 1924, l'accusé Seznec est reconnu coupable de faux en écriture privée et du meurtre de Pierre Kemener, sans préméditation ni guet-apens. Il échappe donc, à une voix, à la peine de mort réclamée par l'avocat général, mais il est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Une condamnation pour meurtre sans preuve, sans aveu, sans cadavre. Direction l'enfer concentrationnaire, au bout du monde, entouré de gardes-churmes sadiques, traitement inhumain garanti, horreur absolue de la violence d'État. Marie-Jeanne Seznec, la femme du condamné, va alors tout faire pour innocenter son mari et lui éviter le bagne. Son seul espoir, la révision du procès. Pour cela, il faut un fait nouveau de nature à établir l'innocence du condamné. Avec son beau-frère, Émile Petit-Collat, Marie-Jeanne Seznec va tout faire pour découvrir un indice ou un témoignage inédit. Et elle en trouve. Entre 1925 et 1926, elle dépose 4 requêtes en révision qui seront toutes rejetées, soit parce qu'elles reposent sur des éléments déjà connus ou sur une hypothèse déboutée par une enquête. Il y a par exemple ce militaire qui affirme que Pierre Kemener était à l'hôpital psychiatrique de Quimper à l'époque de sa disparition. Ou Madame Lamarque qui a vu un homme avec de fausses cicatrices sur le visage se démaquiller dans le train à Paris-Brest le 13 juin 1923. Il y a Madame Petit également qui aurait eu un rendez-vous galant avec Kemener après sa disparition. Le 6 avril 1926, Marie-Jeanne Seznec envoie une 4e requête au ministère de la Justice. L'un des principaux faits qui troublèrent l'opinion publique et orientèrent la justice et surtout les jurés vers la culpabilité de Seznec est la personnalité de l'Américain Cherdy. Kemener s'était engagé à livrer des autocamions en stock à Cherdy qui disait avoir traité avec le gouvernement des Soviets. Une voiture devait être livrée le 26 mai 1923, d'où son voyage à Paris. La justice a dit que l'Américain est un personnage de l'invention de Seznec. Ce dernier soutient n'avoir jamais correspondu avec lui ni l'avoir vu. En août dernier, Seznec m'écrivit « Je suis sûr que Cherdy existe ou existait. » La police n'a pas pu ou voulu le découvrir. Malgré ma profonde détresse, j'ai fait faire des recherches et l'existence de Cherdy serait un fait nouveau. Mais je ne puis plus poursuivre l'enquête, les frais de ces pauvres recherches étant déjà pris sur mon nécessaire. Marie-Jeanne Seznec a raison. Le mystérieux Américain que Kemener devait, selon Seznec, rencontrer à Paris existe bel et bien. Bon, il n'est pas américain, en fait, il est français, né en Algérie, et il s'appelle Boudjema Gerdi. Seulement voilà, l'intéressé, propriétaire d'un magasin de pièces détachées pour voitures américaines à Paris, nie avoir connu Guillaume Seznec et Pierre Kemener. La requête en révision est rejetée une fois de plus, et Guillaume Seznec est finalement envoyé au bagne 4 mois plus tard, le 7 avril 1927. Réduite à la misère, ses plus jeunes enfants placés à l'orphelinat, Marie-Jeanne Seznec ne peut se rendre à Saint-Martin-de-Ré pour le départ de son mari. Elle est épuisée. Mais elle va trouver la force, tout de même, de mener son dernier combat en 1928. Pour ouvrir l'instruction, elle s'appuie désormais sur ce qu'on appellera bientôt la piste de l'Ormeuil. Dans ce village, entre Dreux et Oudan, on chuchote depuis plusieurs années déjà que les Kémines de Riche-Maquignon auraient tué Pierre Kemener. Mais la la requête qui s'appuie sur des bavardages de voisins jaloux est rejetée. Marie-Jeanne Seznec y gagne tout de même un statut nouveau pour l'opinion publique, celui de mère courage. Les journaux louent sa lutte farouche, ses suppliques ardentes, sa fidélité, son amour, sa confiance. Et tandis qu'on s'apitoie sur son sort, progressivement, les certitudes vacillent concernant la culpabilité de Guillaume Seznec. Quand en 1931, Marie-Jeanne Seznec, à bout, meurt de maladie, un ancien juge d'instruction proche de la Ligue des droits de l'homme, Charles-Victor Hervé, se lance à corps perdu dans la défense du bagneur breton, qu'il compare d'ailleurs à Dreyfus. Inspiré par le témoignage d'un marin qui se souvient avoir entendu des coups de feu près d'une propriété de Pierre Kemner, à Plourivaux dans les Côtes d'Armor, l'ancien magistrat médiatise l'affaire et achève d'instiller le doute. Et si l'affaire Seznec était une erreur judiciaire ? Par les képis, des matons, des catis, quasiment déphasés, plaidoirie kamikaze, l'avocat dégoûté, lui manquait quelques cases, système pénitentiaire, condamner l'accusé, à purger lourde peine. caillou à Cayenne. Casser les cailloux à Cayenne. Casser les cailloux à Cayenne. Casser les cailloux à Cayenne. Casser les cailloux à Cayenne. Casser les cailloux. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Après la Seconde Guerre mondiale et la fermeture des bagnes de Guyane, Guillaume Sesnec bénéficie d'une réduction de peine de 10 ans, après tout de même 20 ans de déportation et d'emprisonnement dans des conditions d'une horreur inimaginable. Le 1er juillet 1947, c'est en héros qu'il arrive au Havre, où ses enfants, la presse et la Bretagne l'attendent. Libre, bien que coupable aux yeux de la justice, c'est un homme vieilli, amaigri, au regard doux, qui s'apprête à vivre encore d'autres drames. Car l'année suivant son retour, sa fille Jeanne est accusée du meurtre de François Leher, le contrôleur des tramways qui avait témoigné en faveur de son père en 1924 et qu'elle avait fini par épouser. Jeanne Sesnec est acquittée, mais elle est ruinée. Sans ressources, elle s'installe avec ses enfants et son père, Guillaume, dans un minuscule deux pièces parisien où la famille survit, comme elle peut. En 1953, Guillaume Sesnec, 75 ans, est renversé par une camionnette. À l'hôpital, en plein délire, il a des visions. Le corps de Pierre Kemner serait enterré dans la propriété de Plourivaux, celle que lui-même devait acheter. La police mène vainement des fouilles, accompagnée d'une foule de curieux. Puis c'est au tour du directeur de l'hebdomadaire Radar, concurrent de Paris Match, d'organiser une recherche très médiatisée à Plourivaux. Mais Sesnec se montre incohérent, éreinté, et la fouille est annulée. Il meurt le 13 février 1954, coupable, toujours coupable. Parce que l'année de sa mort, une énième demande de révision du procès est refusée par la justice. Portée par sa fille Jeanne, sur les conseils du juge Hervé, fervent défenseur de l'innocence de Sesnec depuis 15 ans, cette requête fait apparaître un nouveau personnage, Pierre Bonny, dont Émile Kahn, le président de la Ligue des droits de l'homme, évoque les manœuvres criminelles lors de l'enquête. Nous sommes en 1954. C'était alors un petit inspecteur dévoré d'ambition et sans scrupules. La suite l'a montré. Il portait un nom destiné à devenir tristement célèbre, Pierre Bonny, de ces tortureurs de police qui se mirent sous l'occupation au service de la Gestapo. Il est mort fusillé. Dès avant son procès et se sachant perdu, il avait déclaré devant des gens qui en témoignent avoir placé de ses mains la machine à écrire dans le hangar de Sesnec où il prétendit le découvrir. Il n'était qu'un débutant obscur, il voulait se mettre en vedette, qu'importait que pour prix un innocent fût envoyé au bagne. Contrairement à ce qu'affirmait Émile Kahn, le collaborateur Pierre Bonny en 1924 n'est pas l'inspecteur en charge de l'enquête sur Sesnec, mais inspecteur stagiaire et secrétaire du commissaire Vidal, pour qui il transcrit les procès-verbaux d'audition. À sa mort, il n'a pas non plus avoué avoir placé la machine à écrire chez Sesnec. Mais il a effectivement regretté, devant le médecin légiste, avoir envoyé au bagne un innocent. Des mots qui sèment le doute, c'est le moins qu'on puisse dire. D'autant qu'ils sont appuyés par le témoignage d'un certain Léon Sacré, garagiste, partenaire de belote de Bonny dans les années 20. « Il est coupable parce que je veux qu'il le soit », aurait déclaré en 1923 Pierre Bonny à propos de Sesnec. Alors, quel a été le rôle de ce futur tortionnaire de la Gestapo, soit dit au passage ? A-t-il pu, en tant que stagiaire de l'inspecteur Vidal, infléchir le cours de l'enquête pour faire accuser Guillaume Sesnec et ainsi se faire valoir ou se protéger ? Pour la justice, en 1954, la réponse est non. Après la mort de Guillaume Sesnec et le rejet de la 11e requête de révision, l'intérêt des médias pour l'affaire retombe un peu. Pourtant, À l'écart des caméras, le combat d'Eugène Seznec pour la réhabilitation de son père continue. Plus de 50 ans après le verdict de la cour d'assises du Finistère, Denis Langlois, avocat, défenseur des victimes de violences policières en mai 68 et militant des droits de l'homme, se saisit du dossier. Et il consulte, c'est le premier avocat à le faire, l'intégralité du dossier aux Archives nationales. Pour justifier un nouveau procès, il s'appuie notamment sur l'existence du vendeur de voitures Bouzmeda Gerdi, sur les aveux du collaborateur Pierre Bonny avant sa mort, mais aussi sur l'existence de documents non expertisés. Un dossier solide qui ne vise plus à faire reconnaître l'innocence complète de Guillaume Seznec, mais à dépasser l'inébranlable tout ou rien qui a cristallisé les positions pendant plus de 80 ans et n'a abouti qu'à une impasse, pour reprendre ses mots. Pour lui, c'est incontestable. Seznec a bien produit une fausse promesse de vente et un faux télégramme, mais cela ne prouve en rien qu'il ait tué Kemeneur. Il faut donc instiller le doute. Le petit-fils de Guillaume Seznec, Denis Seznec, reprend le flambeau de sa mère, Jeanne, s'oppose à cette stratégie. Pour lui, son grand-père est innocent, il n'y a pas de doute à avoir. En 1990, il change d'avocat et choisit un autre. Et une autre approche, le battage médiatique. Faire parler de l'affaire pour provoquer l'émotion et rallier l'opinion publique à sa cause dans l'espoir de faire pression sur les magistrats. Le petit-fils de Seznec multiplie les interventions médiatiques et publie un livre à succès, « Nous, les Seznec », en 1992. Et il est de tous les plateaux télé où il se présente comme le chouchou de son grand-père. Machination policière et instruction partisane, l'affaire Seznec, le combat de sa vie, est pour lui un crime d'État. Alors à propos de l'affaire, à propos de Kemeneur, il y a eu un témoin qui a affirmé l'avoir vu après sa disparition, donc il a été reconnu. Pourquoi à l'époque le tribunal n'a pas tenu compte de ce témoignage qui était vraiment déterminant ? Pas seulement ce témoignage, mais bien d'autres oui. aspects. Il faut dire que l'enquête était menée par un certain Pierre Bonny, qui était un flic politique, hein, et mm-hmm. que l'affaire Seznec recouvrait le problème du trafic des Cadillacs, les stocks américains que tous les gens ont connus. Mm-hmm. Et c'était le trafic de véhicules américains qui partait de Bretagne vers l'Union soviétique. Et la disparition d'un homme politique, Pierre Kemeneur, il fallait absolument qu'on trouve un coupable idéal. Et c'était votre grand-père. C'était mon grand-père. En 1996, un an après la mort de Jeanne Seznec, la fille de Guillaume, la 13e requête de révision du procès est finalement rejetée par la Cour de cassation. À la sortie du tribunal, dégoûté, Denis Seznec, le petit-fils du condamné, est plus décidé que jamais à se battre contre cette justice qu'il juge injuste. Grâce peut-être au pilonnage médiatique orchestré par Denis Seznec, l'opinion publique et les médias croient désormais dur comme fer à l'innocence de Seznec. Un engagement presque unanime pour la réhabilitation quand, 70 ans plus tôt, la France entière lui était hostile. Mais la loi n'autorise pas le petit-fils d'un condamné à déposer de requête en révision. Et la dernière, la 13e, demandée par la fille de Seznec, Jeanne, est également refusée. Alors, Denis Seznec va s'adresser à la seule personne qui puisse l'aider, la garde des Sceaux, Marie-Lise Lebranchu, ancienne maire de Morlaix. En 2001, celle-ci va accepter de porter de nouvelles demandes de révision. Elle s'en explique. Depuis longtemps, j'ai dit que dans le territoire du Grand Ouest dans lequel cette affaire s'est déroulée, un certain nombre de personnes estiment que le procès n'a pas été bien conduit et qu'il y a des gens encore pour, des gens contre. Ça fait encore un tel émoi, une telle émotion et pour la famille et pour les gens de ce territoire. Je pense que le procès est bon pour l'histoire de ce pays. Donc il faut, à mon avis, le refaire. Sinon, on restera toujours avec cette mauvaise impression d'une affaire jugée avec un dossier mal ficelé. Nouvel élément versé au dossier en cette année 2001, un possible lien entre Pierre Bonny, ancien inspecteur stagiaire lors de l'enquête Seznec en 23, puis tortionnaire de la Gestapo pendant la guerre, et Boudjema Gerdi, le vendeur de voitures, présumé client de Pierre Kemeneur et de Guillaume Seznec. Des trajectoires parallèles au cœur des années noires de la collaboration mise en évidence par un témoignage de la résistante Colette Noll. Mais en 2006, c'est une nouvelle douche froide pour Denis Seznec. La Cour de cassation refuse à nouveau de réhabiliter son grand-père. Selon 25 voix sur 33 votants, il n'existe aucun élément nouveau susceptible de faire naître le doute sur la culpabilité du condamné et sur l'existence d'une machination policière. Devant le palais de justice de Paris, des personnalités emblématiques qui combattent les erreurs judiciaires passées sont là. Erreurs judiciaires dont ont été victimes Patrick Dils, mais aussi le petit-neveu de Dreyfus et Roselyne Godard, la boulangère d'Outreau, tous sont là pour soutenir Denis Seznec, qui crie au scandale au son des bignoux. La justice, avec son bandeau sur les yeux, se disait aveugle. Depuis l'affaire Outreau, ils sont présents. On la croyait sourde. Eh bien, depuis l'affaire Seznec, elle est devenue folle. Colère et immense déception pour celui qui a fait de la défense de son grand-père le projet d'une vie. Marie-Lise Lebranchu estime que le combat de Denis Seznec n'a pas été inutile. Il faut lui dire qu'il n'a pas perdu, parce que lui a permis que le doute soit au moins accepté au niveau du ministère de la Justice et qu'on tente cette révision, même si on savait. Et même si on doit saluer le travail qui avait été fait pour présenter cette demande de révision, même si on savait que c'était difficile quand il s'agit strictement des magistrats de la Cour de cassation qui doivent être extrêmement précis en droit. Le droit contre l'émotion, les faits contre les convictions, les preuves face au doute. Le rejet de la 14e requête en révision a mis face à face des logiques contraires. Deux camps qui s'affrontent depuis près d'un siècle dans un combat pourtant commun, celui de la vérité. Une quête portée par la famille de Guillaume Seznec, mais aussi par des centaines de passionnés, historiens, journalistes, graphologues, professionnels ou amateurs, qui cherchent depuis 100 ans à résoudre ce que certains considèrent comme l'erreur judiciaire du siècle. Find a millionaire to shovel all the gold. Clap hands. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Sesnec. Notre invitée, Anne-Sophie Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous avez écrit Affaires Sesnec, le grand secret, publié cette année aux éditions du Seuil. Alors évidemment, dans l'affaire Sesnec, toutes les théories se sont succédées. Un crime crapuleux, machination policière, règlement de compte, trafic international, jusqu'à une nouvelle hypothèse. Bon, qui serait plutôt autre chose, hein, une affaire de famille, que sais-je encore. Mais on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Le grand secret, qui est le titre de votre livre, quel est-il ? Bah, le titre, c'est un grand secret, et c'est donc un secret de famille. Voilà. Qui aurait été caché donc depuis presque 100 ans, aujourd'hui. Et en fait, ce secret, si vous voulez, c'est que la version... Dès le départ, la famille la connaît et c'est pas du tout cette quête qui va durer pendant des décennies et effectivement déchaîner des passions et des intérêts de moult personnes dont vous avez parlé. Ce secret est révélé en fait en 2015 par Denis Langlois, vous en parliez, l'avocat de la famille pendant une quinzaine d'années. Et il fait un livre testament, c'est un avocat à la retraite et il a porté ça pendant 37 ans, hein, puisque en fait il raconte quelque chose, le frère de Denis le R. Sesnec, le petit-fils qui mène le combat pendant des années jusqu'en 2006, vous en avez parlé aussi. Son frère Bernard, un jour, vient le voir, un jour de 1978, au début de l'année, vient le voir et lui dit « Maître, faut que vous arrêtiez votre quête, vous partez sur des thèses politiques, de machination policière, de complot d'État, etc. C'est pas du tout ça. Mon oncle m'a fait des confidences. Donc le fils de Guillaume Sesnec, un jour, ce jour-là, ce dimanche de mai 1923, il se trouvait dans la maison familiale de Morlaix, donc là où il y avait la scierie. Il était dans le jardin, il jouait. C'était un enfant de 12 ans. Et à un moment, il a entendu sa maman crier dans la maison. Il est monté sur le rebord de la fenêtre. Il a regardé la situation, ce qui se passait dans la salle à manger, et là, il voit le corps de cet homme qu'il connaît, Pierre Kemner, au sol, et sa mère debout, interdite, interloquée devant ce corps, et la bonne Angèle dans l'encadrure de la porte. Cette scène, c'est donc, pour lui, la scène de crime. Donc, Kemner, tué par sa mère. Voilà. Pas la mère du témoin. Absolument. Madame Sesnec. Madame Sesnec, Marie-Jeanne Sesnec, celle qui a porté le combat aussi haut pendant des années avant de mourir prématurément en 31. Et pourquoi ? Alors, ça s'appelle le mobile. Alors là, le problème, c'est que le témoin est un enfant, donc on ne sait pas, on sait que, enfin lui, il affirme, c'est quelqu'un qui s'est tué, qui s'est éloigné de la Bretagne, qui s'est éloigné de la famille, qui n'a pas voulu mener le combat parce qu'il savait que tout le combat était faux. Partait sur des mauvais rails. À partir de ce postulat, oui, c'était pour lui. Et donc, il ne voulait pas s'en mêler, il ne voulait pas non plus contrarier, etc. Mais il s'est éloigné de Paris. Bon. Il a éloigné ses enfants, il n'aura jamais parlé de cette affaire, etc. Mais cet enfant dit, à un moment, je suis rentré dans la maison et maman m'a dit, cet homme venait vers moi, m'agressait, je me suis défendu, je l'ai poussé, il est tombé, il est mort. Mais pourquoi il est venu dans cette maison? Quelles étaient les raisons? Il se trouve pas là par hasard, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est justement toute la question. Alors, la Marie-Jeanne Sesnec, selon l'enfant devenu adulte, hein, maman m'a dit qu'il avait agressé. J'ai compris qu'il avait agressé sexuellement, enfin qu'il avait touché, qu'il avait que c'était peut-être jeté sur elle, etc. Et que donc, en fait, elle l'avait soit poussé, soit tapé avec quelque chose. Parce que cet homme qui a vieilli, qui est même un peu au bord de la mort, à l'époque où il témoigne en 78, en fait, il corrige un peu sa maman. Parce qu'il se demande si sa maman n'a pas fait un effort pour édulcorer un peu la version. Donc, en fait, on ne sait pas précisément quelle serait la cause de cette dispute ou de ce corps à corps. Ça peut être... Moi, j'ai mes deux hypothèses. Hein, c'est soit effectivement une affaire sexuelle ou sentimentale, sexuelle, soit une affaire qui pourrait être plutôt financière, car j'ai découvert au cours de mon enquête que finalement Marie-Jeanne était la vraie femme d'affaires du couple Sesnec. C'est-à-dire que lui allait dans les bois chercher du bois, s'occuper de la scierie, etc. Mais que c'est elle qui tenait les comptes, c'est elle qui assurait, si vous voulez, les affaires de la maison Sesnec. Donc elle n'avait pas tout à fait le rôle qu'on lui a connu et qu'on lui a prêté pendant des années. Mais où est Guillaume Sesnec à ce moment-là ? Alors Guillaume Sesnec n'est pas là, selon l'enfant. Mais il est où ? Alors justement, lui, il est teuf, il est en train de rentrer en Cadillac de Paris. Hein. Nous sommes dimanche 27 mai, d'accord ? C'est la scène aurait lieu ce dimanche, puisque cet enfant étant à l'internat, il dit qu'il n'est à la maison avec sa famille que le dimanche. tout le reste des jours de la semaine, il est à l'internat à Morlaix. Donc en fait, lui, il voit ça, et puis il dit quelques heures après, bon, je vois papa rentrer, et là, ils discutent, ils vont discuter tout l'après-midi, il dit même, c'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer, il disait, on est ruiné, il était accablé, ils vont parler un moment, la bonne Marie-Jeanne et Guillaume, tout l'après-midi, et puis après, le corps va disparaître de la maison, c'est ce que dit l'enfant, témoin, et ensuite, le lendemain, ils partent tous en voiture, prêter serment devant l'église, dit-il, ce sont des Bretons très catholiques, hein. Et donc en fait, lui se souviendra que c'était au pied d'un calvaire à au moins 2 heures de route de Morlaix. Ils étaient partis en voiture, c'était calme, ils étaient accablés tous les quatre donc, et ils vont dans ce qui serait sans doute l'église Sainte-Marie du Ménézôme, qui surplombe, si vous voulez, le village de Plomodierme où sont nés Guillaume et Marie-Jeanne, où ils se sont mariés, etc. Où donc c'est un lieu très symbolique, où ils se sont rencontrés, ils se sont mariés, etc. Donc c'est peut-être là qu'ils auraient prêté serment. En tout cas, ça veut dire que personne ne s'est défait de ce serment, aucun des quatre. Et donc ce fils raconte quand même à son neveu Bernard que quand il est rentré du bagne, le fils Guillaume a demandé à son père Guillaume Seznec, parce qu'il s'appelle le même prénom, papa, dis-moi où t'as mis le corps, parce que on sait nous deux, etc. Et que Guillaume Seznec bagnard aurait eu un coup de colère et aurait quitter la maison de son fils et serait retourné chez Jeanne, etc. Donc il y a bien eu une volonté de ne pas dénouer ce secret. C'est ce qu'ils disent et c'est ce que Maître Denis Langlois dans son livre en 2015 écrit en disant moi je suis aussi au soir de ma vie, je n'ai pas trahi le secret professionnel jusqu'ici, mais je dois révéler ce secret de famille et moi je suis partie de là dans mon enquête. Mais est-ce que ça ferait, pour le coup de Seznec, un homme condamné de façon injuste? Parce qu'il peut y avoir aussi une complicité, après tout. Il y a une complicité, mais ça ne vaut pas crime. Si vous voulez, le crime, c'est de quoi Kemner est mort, on ne le sait pas, en tout cas, il est mort. Après, lui, se serait débarrassé du corps, mais en tout cas, il n'est pas le meurtrier, il n'est pas l'assassin de Pierre Kemner. Vous adhérez intimement, selon votre conviction intime, parce que vous n'avez pas d'autre choix, hein, vous êtes comme moi, vous adhérez à ça, à cette thèse? Alors au départ, moi je n'adhérais à rien du tout, hein, parce que j'ai commencé mon enquête en 2017, mais il se trouve, si vous voulez, que toutes les pistes suivies, tous les témoignages, on a fouillé quand même dans maints endroits en France pour trouver le corps de Kemner, on n'a jamais rien trouvé. Toutes les pistes achoppent, on n'a pas trouvé de complot policier, on n'a pas trouvé de trafic de Cadillac jusqu'à aujourd'hui, rien ne s'explique, et surtout, cette enquête a été tellement lacunaire, aucune enquête sur Pierre Kemner, vous le rappeliez tout à l'heure, pas d'enquête à Morlaix, donc on n'a pas vraiment cherché partout, on a suivi de la piste Seznec, c'est l'enquête un petit peu à charge, si vous voulez, qui sera contestée et qui donnera, qui nourrira, si vous voulez, toutes les contestations par la suite et toutes les demandes de révision. C'est exceptionnel, 14 demandes de révision, il n'y a pas d'autres dossiers où il y en a eu autant. Donc ça montre bien à quel point il y avait quand même une fragilité d'enquête et un procès mené tambour battant, certes. Aujourd'hui, ça dure beaucoup plus longtemps, hein, les instructions. Mais moi, si vous voulez, en tant que chroniqueuse judiciaire, j'ai eu ce déclic. Je me suis dit, et si, du coup, cette histoire collait avec certains éléments, et ça colle pas mal, si vous voulez. C'est que on ne sait pas à ce moment. On sait qu'ils partent pour Paris dans la Cadillac. Peut-être avait-il un rendez-vous, mais on n'a jamais pu le prouver. Peut-être un jour, ça sera prouvé qu'il y avait un rendez-vous et qu'il y avait effectivement un projet de trafic de Cadillac. Pour l'instant, aucune des archives ne l'a révélé. Ça ne vaut pas le bagne non plus. Ça ne vaut pas le bagne. Mais clair. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en tout cas, ils partent et qu'après, on ne retrouvera jamais la piste Kemner. On ne peut pas dire ce qui s'est passé par la suite. En revanche, si c'est Morlaix, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent dès le départ de l'affaire deux choses un peu curieuses. C'est que Seznec semble, si vous voulez, vouloir aussi éloigner l'enquête de Morlaix. C'est-à-dire qu'en fait, il trouve des témoins à Paris pour notamment François Leher pour Kemner. Il ne conteste pas. Il se prête aux fouilles à Houdan ou à Dreux ou à la Queue en Yvelines, etc. Il ne dit pas allez aux sources, revenez là-bas en Bretagne. Il éloigne aussi l'enquête. Et puis il y a quelque chose d'assez bizarre, c'est que en fait les Seznec, ils n'ont jamais exprimé la compassion. Ils disent Kemner est un grand ami. Il dormait à la maison. On allait chez lui quand on allait à Landerneau. Et en fait, ils n'ont jamais dit notre ami, on plaint la famille, on fait des condoléances, etc. Il y a jamais, ce qui est extrêmement bizarre. Anne-Sophie Martin, puisque vous parlez de fouilles, je prends la balle au bon, le 24 février 2018, alors, tout récent, hein, des passionnés de l'affaire Seznec ont mené des fouilles dans le cellier de la maison familiale, de la famille Seznec. Reportage sur ce point de Clément Le Goff, c'était sur France 3. Près d'un siècle après l'affaire Seznec, ce matin, une dizaine de bénévoles passionnés entreprennent des fouilles dans l'ancienne maison de Guillaume Seznec. Plusieurs heures de recherche, puis en début d'après-midi, cette découverte. Bertrand, on a retrouvé un bout d'os. Un os retrouvé dans le cellier. C'est juste comme ça, il n'y a pas de contexte. Juste quand j'étais avec mon tracteau, j'ai vu un truc, j'ai dit ça, c'est un bout d'os. Un os qui pourrait tout relancer. Appartient-il à Pierre Kemener, la victime jamais retrouvée? La police, le procureur arrivent sur place, les fouilles s'interrompent brutalement. Ça semble être un os humain, ça repart donc sur une enquête de police. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Anne-Sophie Martin, vous y étiez, mais qu'est-ce qui vous fait courir tous autant que vous êtes là, autour de... Bien sûr que la réhabilitation, c'est important. Enfin, c'est une affaire qui a un siècle, je crois qu'il y a d'autres justiciables aujourd'hui qui attendent une réhabilitation, hein, et qui sont encore vivants. Qu'est-ce qui vous fait courir? Ben, si vous voulez, l'affaire Seznec, elle est c'est presque une légende, c'est un mythe. Donc qu'elle soit, qu'il y ait une nouvelle piste près d'un siècle après, de toute façon, comme elle n'est pas résolue, et que la vérité judiciaire n'a convaincu à peu près personne, ça valait le coup de se repencher dessus. Moi, il se trouvait que je tournais un documentaire pour le 13-15 de France 2. J'y suis allée, je voyais que ça repartait. Je me disais, pourquoi elle bouge encore, cette histoire? Donc on y va. Voilà. Et on trouve un os, et cet os, il y a une légiste qui dit c'est un os humain, donc on y croit pendant 48 heures. Et puis, tout d'un coup, badaboum, les paléontologues disent certainement pas, c'est un os de bœuf, ça marche pas. Mais ça pouvait valider, ça pouvait corroborer la piste de Morlaix. C'est pour ça qu'on y était. Anne-Sophie Martin, vous aussi, vous avez vos témoins, si je puis dire. Alors moi, il se trouve que après, on est déçu après les fouilles de Morlaix, évidemment, puisque on y croyait sur le terrain. Et là, je dis à Denis Langlois, mais quand même, il y a pas d'autres gens qui pourraient témoigner de cette vérité là, c'est-à-dire un crime à la maison de Morlaix. Et il me dit, il y en a d'autres, mais ils veulent pas parler. Et donc moi, j'engage des semaines et des semaines de recherche et de discussion, etc. Et je découvre deux petits-fils cachés, Jean-Yves et Gabriel Seznec, qui en fait, eux ont eu aussi les confidences de leur père. Et ils l'ont tué parce que comme ils étaient gardés loin de la Bretagne, ils n'avaient pas le droit d'en parler. Il fallait qu'ils disent qu'ils n'appartenaient pas à la famille, etc. Mais au soir de sa vie, leur père leur a fait aussi des confidences. Ce qui fait qu'il y avait des gens vivants, toujours vivants, qui les petits-fils qui portent le nom, qui disaient, oui, notre père nous a raconté en long, en large et en travers ce qu'il savait, mais ne pouvait pas révéler, car il ne voulait pas rompre ce serment dont je parlais tout à l'heure. Et donc, ils expliquent, et j'avais donc diffusé leur témoignage, une version dont ils sont absolument persuadés et qui rend, si vous voulez, la crédibilité de ce témoin un peu plus forte, à mes yeux. C'est ce qui fait que moi, j'ai été convaincue par cette hypothèse d'une mort à Morlaix de Pierre Kemener. Et la morale de cette histoire, c'est que nous, dans Affaires Sensibles, on est beaucoup dans le cold case, hein, c'est-à-dire des affaires réglées. Et celle-là, elle a un siècle, elle n'est pas cold case. Ça, c'est quand même incroyable. Merci infiniment, Anne-Sophie Martin, pour tous vos éclairages et la précision de votre savoir sur cette affaire. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Seznec, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles, site de France Inter, pour toute information complémentaire. Merci à Pauline Laverdure qui était à la technique aujourd'hui. Puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Adrien Cara, Adrien Mora, Jean Bulot et Jeanne Maillard. Attaché de production, Valérie Priollet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Comédien, Damien Prévost, réalisation Coyenne Guyane, Hélène Bizio, Benjamin Riquet.